frère dit non. Ton frère dit non. Il peut bien me dire non, mais toi dis-moi oui. Oui, oui. Oh, dis-moi oui. Oui, oui. Oh, dis-moi oui. Oui, oui. Dis-moi oui. Loin de toi, mon cœur se noie. Il ne peut vivre sans toi. Car sans toi, le soleil et la vie sont sans éclat. Mais dis-moi oui. Oui, oui. Oh, dis-moi oui. Oui, oui. Oh, dis-moi oui. Oui, oui. Dis-moi oui. Depuis longtemps, je t'espère. Oh oui, je suis sincère. Nous sommes faits tous les deux pour nous aimer sur terre. Mais dis-moi oui. Oui, oui. Oh, dis-moi oui. Oui, oui. Oh, dis-moi oui. Chaque jour, oui, tous les mots d'amour que l'on peut se dire et redire chacun à son tour. Mais dis-moi oui. Oui, oui. Oh, dis-moi oui. Oui, oui. Oh, dis-moi oui. Oui, oui. Dis-moi oui. Alors dis-moi oui. Oui, oui. Dis-moi oui. Oui, oui. Dis-moi oui.